elle, elle est bonne deux. Au réseau, ça a tiré mon pote au téléphone 3. Elle me dit, moi, je vais un homme, je la vois, elle fait sa folle. 4, elle me dit dehors, j'ai mon équipe que des paroles fantômes. Je me suis calé devant la lune en train de parler gamberger. On t'a servi plaquette 50 au prix de sanger. J'ai raconté sa vie devant l'étoile du père. J'ai pote, t'as fait du mal sans peine, les balles, vont te chercher. J'ai la 4 motions, elle se lâche sous potion. Cette année, sous le coco, j'ai le zimbé ta caution. La cellule, c'est comme la lime, il fait des pommes des tractions. Je vais balader au ma brunette, tu sens bonbon la lotion. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repense à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repense à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repense à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repense à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader. J'ai cambuté, j'ai escaladé, crié, j'ai la recette. J'ai bu un verre de trop, j'ai mal coupé la plaquette. Les murs ont des oreilles, tu me jalouses de A à Z. Z, Z, Z, Z. Ce soir, je suis qui est, rentre pour oublier. J'ai pris le monde tout seul, j'ai pas d'amis pour trier. Je passe à mon fumette quand t'allumes ton briquet. J'aime le bruit de la mer, les oiseaux et les criquets. On se verra sous les cocotiers. Je me gale devant la lune avec une brunette Dolce. On passe à toute la nono, noche. Arrête de critiquer pour te refaire tes lacets. Y'a pas de commando, c'est moi qui vais commander. J'étais un chien, pas un radis, pourtant j't'ai rien demandé. Ce soir je passe à tous mes malheurs dans le passé. On se dit que la vie est courte, on sera tous éprouvés. On prend le monde, voir ce que l'on voit. J'ai les pieds au plat, j'ai pas la bonne voix. Tu veux parler pour ton 11. Nique le maire de mon secteur, je suis sur son toit. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repasse à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repasse à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repasse à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader. Regarde la vie comme un, je vais me balader. Ce soir, je suis mal luné, je vais gamberger. Je tourne en rond dans la cité, je repense à tout mon passé. Balada, balada, je vais me balader.